vérité, hip-hop, la réalité dans le hip-hop, dans mon froid, plus de salopes, de coups de salopes, c'est salome à la base, la vraie, la bonne, la base, comme le HIP a chopé la basse, sont mes basses à la base, en face Babylone, HIP a chopé, plus de gens dans le HOP que de vrais b-boys, depuis qu'on l'a chopé pour idole, chopé sa tentation, ça traumatise, traumatise, et coupé de cette sanction, ou toute section, dans cette jet set, on injecte, sec, la CC, et cette péché capitaux, on expose sous chapitre, sous le chapiteau, chapitre aux initiés, dédicacé, quota à exploser, pour un pauvre, un vrai, un ogre, un traumatisé, un pauvre, un vrai, un ogre, un traumatisé, un traumatisé. Tu me dis du hip hop ce que tu dis, pas ce que t'envies. Avant t'aurais pas le nav, dis qu'avec les racistes sur leur perchoir, et connard, et gros là, réfléchir et agir, ressurgir, ressurgir. Tu me dis du hip hop ce que tu dis, pas ce que t'envies. Avant t'aurais pas le nav, dis qu'avec les racistes sur leur perchoir, et connard, et gros là, réfléchir et agir, ressurgir. Pour pas dramatiser, dire la vérité, pour commencer ça va mieux. Passer, se passer, laisser passer le véridique qui dit nos actes, nos fesses de peur plus que de coups de matraque pour ceux partis dedans, devant, quand c'était dedans. Plus déjà que super méchant, hip hop ici en France, dans ce hip hop, hip hop. Le rap, la danse, hip-hop, lascar, du lascar aux supporters, du gros lard aux gros connards. Les gros sévissent sur le lard, ils écoutent pas du rap à la test. Lascar, lascar. Je viens citer personne, inciter personne, mais juste rappeler que beaucoup de bâtards de ch'tards ont lascar. Bâtard, bâtard, disent les vides jeunes. Ouais ouais, petit ouais, jeune, ouais ouais, ouais petit ouais, jeune, redéjeune, avant de redescendre dehors, cheater, pour te re-cheater dans ton quartier, dans ton quartier. Tu me dis du hip-hop ce que tu dis, pas ce que t'envies. Avant t'aurais pas le nav, dis qu'avec les racistes sur leur perchoir, et connard, et gros là, réfléchir et agir, ressurgir, ressurgir. Tu me dis du hip-hop ce que tu dis, pas ce que t'envies. Avant t'aurais pas le nav, dis qu'avec les racistes sur leur perchoir, et connard, et gros là, réfléchir et agir, ressurgir. L'essentiel de ce que j'ai vécu ou fait vivre aux autres, ça me concerne. La merde, la démerde, ça me concerne, les concerne. Vite le se vit, les mecs passent vite dans la jungle, dans l'immense de béton. Ken les plus avides, les plus rapides, le pognon. Me malmène, ce qui démène, emmène mes potes dans la benne, moi dans la peine. Les rances déshydratent, les clans s'hydratent. À coups de plan sanglant, s'y sera sans gants, pirate, et pirate. On descend sans faire semblant, sans gêne, pose. Mes rimes, ma haine, dégaine mes gènes, ma rime. Quand le micro m'appelle, j'aime. Quand le micro m'appelle, quand le micro m'appelle, quand le micro m'appelle. Dis du hip hop ce que tu dis, pas ce que t'envies. Avant t'aurais pas le nav, dis qu'avec les racistes sur leur perchoir, et connard, et gros là, réfléchir et agir, ressurgir, ressurgir. Tu me dis du hip hop ce que tu dis, pas ce que t'envies. Avant t'aurais pas le nav, dis qu'avec les racistes sur leur perchoir, et connard, et gros là, réfléchir et agir, ressurgir, ressurgir.